des commentaires. Tu bâtard, tu en foutes les nerfs. Ils sont jaloux, je peux rien faire. Ils sont perdus, je te jure, grand-père. Je rigole, mais t'es connu laser. Des fois j'écris, des fois j'ai rien à dire. Malgré les coups, pas je gère. C'est rien, on me dit qu'à pire. On sort la nuit comme des vampires. De cette merde, on essaie de s'en tirer. Fais gaffe à ce qui sort de ta bouche. Des fois on peut tuer sans tirer. Pour l'instant je suis là et un jour je m'enfuirai. Et personne ne saura où j'irai. Des fois je suis bien, des fois j'ai le cœur déchiré. Je vais sortir la jacket et je vais déchirer. Tu peux voir des hommes à terre. Dans la street tout le monde a peur. Viens faire un tour. Je vais vers la mer histoire de faire pleurer mon cœur. Y'a que des soldats dans le navire. C'est qu'on est tous du même côté si on chavire. Faut que j'aille zoner, faut que je fasse ma virée. Toujours au shit, tu touches pas à la pure. T'es la famille, mon frère, on t'assure. Ne trahis pas sinon y'a cassure. Tu le sens, t'es mon gars sûr. Rejoins-moi sur la côte d'Azur. J'suis dans ma bulle, j'prends du Jack Mel, pas du Red Bull. Si j'veux j'freestyle, j'm'arrête plus. Laissez-moi, j'suis dans ma bulle. J'prends du Jack Mel, pas du Red Bull. Si j'veux j'freestyle, j'm'arrête plus. Y'a plus de doux. Tu peux voir des hommes à terre. Dans la street, tout le monde a peur. Viens faire un tour. Je vais vers la mer histoire de faire pleurer mon cœur. Y'a plus de doux. Tu peux voir des hommes à terre. Dans la street tout le monde a peur. Viens faire un tour. Je vais vers la mer histoire de faire pleurer mon cœur. Y'a plus de doux. Tu peux voir des hommes à terre. Dans la street tout le monde a peur. Viens faire un tour. De doux. Tu peux voir des hommes à terre. Dans la street tout le monde